Section 64 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 12, quatrième partie. Alphonse X de Castille et Pierre III d'Aragon. Par Jean-Hippolyte Mariéjol. Caractère nouveau de l'histoire espagnole. Le règne d'Alphonse X de Castille, 1252-1284, celui de Pierre III d'Aragon, 1276-1285, présente des caractères qui marquent le début d'une période nouvelle. La conquête de l'Espagne, la Reconquista, comme on dit au-delà des Pyrénées, peut être considérée comme achevée. Les luttes entre la Castille et l'émirat de Grenade ne seront plus que des conflits entre un État suzerain et un vassal, inférieur en force, quoique très remuant et très prompt à la révolte. Le royaume d'Aragon a atteint les limites qu'il ne dépassera plus. Dorénavant, l'énergie que les deux puissances chrétiennes ont déployée contre les musulmans va prendre une autre direction. À la croisade succèdent les agitations intestines. Il en est de même en Portugal. Ce n'est pas que dans les âges précédents, les rois n'aient eu souvent à combattre les menées de l'aristocratie. Mais ils ne songeaient pas encore à abuser de leur pouvoir, et les grands, distraits par la guerre sainte, enrichis par la conquête et le butin, cherchaient plutôt à s'assurer la faveur du souverain qu'à affaiblir son autorité. La rivalité des Castro et des Lara offre le spectacle de deux maisons rivales, ardentes à se disputer les avenues de l'influence du pouvoir. Ce n'est qu'à la fin du XIIIe siècle qu'apparaît nettement chez le prince et chez les sujets l'intention bien arrêtée de fixer l'étendue de leurs droits. Alphonse X formule, dans les 7 parties, la théorie de l'omnipotence royale. Les 2 siècles qui suivent prouveront qu'il y a loin de sa théorie à la réalité. Alphonse X de Castille et Alphonse III de Portugal. Le successeur de Saint Ferdinand est un des princes les plus illustres du Moyen-Âge. Savant, poète, historien, législateur, il avait toutes les qualités qui font honneur à la nature humaine, sauf le sens du gouvernement. Ses ambitions dépassaient de beaucoup ses ressources, ses prétentions n'étaient jamais soutenues par une volonté forte. Au début de son règne, il prépara à grands frais contre le Maroc une expédition qu'il dut bientôt abandonner. Ses campagnes, dans le bassin inférieur du Guadalquivir, eurent un meilleur succès. Il soumit quelques places qui avaient échappé aux armes de son père, Xérès, Nebrira. La prise de Niebla, 1257, lui ouvrait les Algarves, mais ici il fallut compter avec le Portugal, qui élevait aussi des prétentions sur cette province. Le roi de Portugal, Alphonse III, 1245-1279, avait l'énergie patiente qui manquait à son rival. Lui aussi eut à lutter contre l'aristocratie ecclésiastique et laïque qu'il avait portée au trône et prétendait l'y tenir en tutelle. Il sut se faire obéir, résista aux évêques qui l'accusaient d'enfreindre les privilèges ecclésiastiques, à la cour de Rome qui voulait l'obliger à reprendre son épouse répudiée, la comtesse de Boulogne. Le pape jeta l'interdit sur son royaume. Il ne céda point, et Urbain IV, en désespoir de cause, légitima, après la mort de sa première femme, les enfants nés de son second mariage. Il ne montra pas moins de ténacité dans sa lutte contre les clercs. Ce fut seulement au lit de mort qu'on put lui arracher un désaveu peu probant de sa conduite. Grand constructeur, Alphonse repeupla beaucoup de villes que la conquête avait laissées désertes. Il releva les murailles de Béra et fit de cette place le boulevard du royaume. Il fonda, à l'embouchure du Douro, en face de la ville épiscopale de Porto, la ville royale de Villanova de Gaia, à laquelle il accorda, entre autres privilèges, la plus grande partie du trafic fluvial et maritime. Plus ouvert que ses contemporains à l'intelligence des besoins économiques, il favorisa le commerce par la création des foires franches et appela des ouvriers étrangers pour relever l'industrie nationale. Un souverain de cette humeur ne se relâchait pas volontiers de ses prétentions. Il aimait mieux combattre que de laisser les Castillans s'établir dans l'Algarve méridionale. Alphonse X céda. Il maria sa fille à son compétiteur. Elle lui abandonna le diocèse de Silves, qui faisait l'objet du débat. Il ne se réservait qu'un droit de suzeraineté nominal que le nouveau possesseur du sol devait reconnaître par un secours éventuel de 50 lances. Émirat de Grenade. Dans ses premières expéditions contre les infidèles, Alphonse X avait réclamé l'aide de son vassal, l'émir de Grenade. Quels que fussent ses sentiments secrets, Ibn el-Amar n'avait pas osé se soustraire à ses obligations féodales. L'obéissance lui pesait pourtant. Il n'attendait qu'une occasion favorable pour secouer le joug. L'État qu'il avait fondé avait rapidement atteint un haut degré de puissance et de prospérité. Il lui avait donné comme capitale Grenade, dont il avait accru la force naturelle par de solides remparts. Il y avait accueilli les musulmans qui fuyaient la domination des chrétiens. À chaque nouvelle conquête de Saint-Ferdinand et de James d'Aragon, le nombre de ses sujets s'augmentait d'un fort appoint de fugitifs. Ses proscrits apportaient dans les vallées du Xénil et du Darro leur industrie, leur science agricole et leur haine du non-chrétien, si bien que cette faible partie de l'empire des Omniades commençait à être redoutable par la masse de sa population et l'ardeur de son patriotisme et de sa foi religieuse. Le souverain se faisait aimer par son abord facile et les soins qu'il donnait au gouvernement. Bien qu'il fût de goût très simple, il n'épargnait aucune dépense pour embellir sa capitale. Sous sa protection grandit le mouvement artistique qui devait, un siècle plus tard, produire la merveille de l'Alhambra. C'est vers ce prince que se tournaient naturellement les vœux des musulmans disséminés dans les états d'Alphonse X. À Murcie, à Xérès, la révolte n'attendait qu'un chef. Il refusa d'en donner le signal, mais il excita sous main les conjurés à prendre les armes. Le même jour, l'insurrection éclata aux deux extrémités de l'Andalousie. Partout, les chrétiens furent massacrés. Le roi de Castille entra immédiatement en campagne et somma Ibn el-Amar de fournir son contingent. L'émir répondit qu'il n'était pas sûr de ses troupes et que la politique lui faisait une loi de ménager ses corps religionnaires. Mais Alphonse ne se paya point de cette excuse. Il ouvrit aussitôt les hostilités contre cet allié suspect. 1261. Le mouvement eût pu devenir dangereux si des difficultés intérieures, la révolte des Valises de Comares, de Malaga et de Cadix n'avaient paralysé les efforts des Grenadins. Le roi de Castille, libre de ce côté, mit le siège devant Xérès, qu'il prit au bout de 5 mois. Pendant ce temps, son beau-père, James d'Aragon, intervenait en sa faveur et remettait en son obéissance le royaume de Murcie. Alphonse X et les grands seigneurs. Il faisait mieux encore. Il lui donnait de sages conseils. Tandis qu'Alphonse se perdait dans les hautes spéculations et prétendait, dit-on, qu'il eût inspiré quelques changements heureux au grand ouvrier de la nature, si celui-ci l'avait consulté, il dirigeait en politique déraisonnable les affaires de son royaume. Pour se procurer de l'argent, il émettait une monnaie de mauvais aloi, et, pour arrêter la hausse immédiate des marchandises, promulguait une loi du maximum. En même temps qu'il créait des mécontents, il s'arrangeait pour leur donner des chefs. Malgré l'exemple de son père et les avis de son beau-père, il augmentait les forces de la noblesse en la comblant de dons, de concessions, de faveurs. Avec les domaines qu'il reçut, Nuño González de Lara arriva à commander à 300 vassaux. Si le roi pensait s'attacher par là l'aristocratie, il fut bien vite détrompé. L'influence qu'il avait formée de ses propres mains se retourna contre lui. Quand il abandonna au Portugal ses droits honorifiques sur les Algarves, les grands saisirent le prétexte de l'intérêt public pour prendre les armes. Nuño de Lara, qui l'avait le plus favorisé, se mit à leur tête. Au Cortés de Burgos, où ils parurent en tenue de guerre, ils demandèrent au roi de les exempter de tout impôt, eux et leurs vassaux, de détruire les poblaciones de Castille, de supprimer les droits de douane sur les marchandises importées. Sur son refus, 17 ricos hombres et avec eux Nuño de Lara et l'infant Philippe lui firent déclarer qu'il se quittait de son service et se retirèrent auprès de l'émir de Grenade. Cette désertion affaiblissait la Castille sans augmenter les forces d'Ibn al-Abar. Les nobles transfuges qu'il avait reçus avec honneur stipulèrent qu'ils le serviraient envers et contre tous, sauf contre leur propre souverain. Aussi résolut-il d'appeler à son secours le maître du Maroc. La mort le surprit en pleine négociation, 1273. Son successeur, Mohamed II, s'empressa de conclure la paix avec Alphonse X. Les ricos hombres obtinrent leur pardon et furent réintégrés dans leurs charges et leurs honneurs. Dans cette première escarmouche contre l'aristocratie, le roi avait donné toute la mesure de sa faiblesse. Gouvernement intérieur de James et de Pierre III d'Aragon. Il faut dire à sa décharge que l'habileté et l'énergie des rois d'Aragon ne leur réussissaient pas mieux. James et son successeur Pierre III étaient obligés de céder à ses nouveaux maîtres de l'État. Les Cortés de Huesca, 1247, avaient, sous certaines réserves, autorisé les guerres privées. De là des maux sans nombre, le pillage, le meurtre, la dévastation des campagnes. À leur tour, les habitants des villes ruinées par ces désordres résolurent de créer pour 5 ans une hermandade, 1260-1265, qui édicta les peines les plus sévères contre les malfaiteurs de Touran et de toute origine, et leva des forces capables de faire respecter ces décisions. Cette initiative des villes montrait assez l'impuissance de la royauté, même sous un prince aussi énergique que James le Conquérant. Ses luttes avec la noblesse lui procurèrent les plus cruelles humiliations. Quand il proposa aux Cortés de Saragosse, 1264, d'établir un impôt nouveau, le bovage, tous les ricos hombres se mirent à crier qu'ils n'en feraient rien. Aux demandes du roi, ils ripostèrent par l'énumération de leurs griefs, violation des franchises de la noblesse, concession des honneurs, fiefs, à des étrangers, admission de légistes et d'autres gens de basse extraction dans son conseil. En attendant qu'on leur donnât satisfaction, ils quittèrent la ville et conclurent une ligue pour la défense de leurs privilèges. Le roi fit rude guerre aux rebelles et leur prit bon nombre de châteaux. Mais l'opinion publique, qui leur était favorable, lui imposa une transaction. Les évêques de Huesca et de Saragosse, chargés de prononcer comme arbitre, donnèrent raison au seigneur, 1265. Avec l'Aragon, il eut encore affaire à la Catalogne. Il avait beaucoup fait pour ce pays qu'il aimait. La conquête des Baléares, son premier triomphe, en rétablissant la police des mers, avait beaucoup aidé au développement de la marine catalane. Barcelone disputait aux républiques italiennes l'empire de la Méditerranée et faisait adopter son code maritime, Libre del Consolat del Mar, à toutes les nations commerçantes. James rendit beaucoup d'ordonnances favorables au trafic. Il supprima les péages que les seigneurs avaient établis dans l'intérieur du pays. Il régularisa l'institution des corps de métier de Barcelone. Mais ces bienfaits ne calmaient point l'opposition des nobles. Les dernières années du règne furent troublées par la révolte des principaux barons. Le privilège général, 1283. Les luttes furent encore plus vives sous le règne de Pierre III, successeur de James. Ce roi, qui conquit la Sicile, tint victorieusement tête au roi de France et brava sans faiblir l'interdit et l'excommunication. Le vainqueur de Charles d'Anjou, de Philippe le Hardi et du pape Martin IV, fut obligé d'humilier la royauté devant la coalition des nobles des villes. Ses sujets aragonais lui reprochaient les aventures de sa politique extérieure, ses grandes levées de soldats, le péril où sa querelle avec le roi de France mettait le pays. Il agissait sans consulter personne. « Si ma main gauche, disait-il, savait le secret de ma main droite, je me la couperais sur le champ. » Les ricos hombres, habitués à plus de déférence, lui demandèrent raison de ses défiances aux Cortés de Tarragone, 1283. il accueillit avec hauteur les réclamations. Alors, nobles et représentants des villes formèrent une union pour la défense de leurs fueros et le redressement de leurs griefs. Ils se promirent assistance mutuelle envers et contre tous. Sauf la fidélité qu'ils devaient au roi. Et encore, cette réserve n'était-elle que pour la forme. Si Pierre III, sans arrêt du justicia et sans le conseil des ricos hombres, attentait aux biens ou aux personnes de ses sujets, ceux-ci se tenaient pour déliés de tout serment d'obéissance et se réservaient de s'unir à l'infant Alonso, héritier de la couronne, pour chasser Don Pedro du royaume. Les Cortés, transférés à Saragosse, ne furent que plus ardentes à demander la confirmation de tous les antiques privilèges, fueros et chartes. Le roi fut contraint de céder. Il donna force de loi à leur demande. Toutes les concessions que l'Assemblée lui arracha furent enregistrées dans le privilège au général, vrai monument des libertés aragonaises. Le roi condamnait les errements du passé, il confirmait les fueros et restituait aux nobles les fiefs dont ils s'étaient emparés. Il prenait des engagements pour l'avenir et assurait des garanties aux sujets qui pouvaient redouter le zèle de ses officiers. Sa juridiction ne devait pas franchir les limites de son domaine. Il devait prendre tous les juges parmi les Aragonais. Le justicia, assisté d'un conseil de nobles et de bourgeois, devait prononcer sur tous les procès. La fortune des contribuables n'était pas moins bien sauvegardée. Aucun péage nouveau ne devait être établi. L'impôt sur le sel était aboli. La nation se faisait une large place dans les conseils de la couronne, où les trois ordres devaient avoir leurs représentants. Le roi ne pouvait, sans l'avis de ses délégués, faire la paix, déclarer la guerre. Enfin, il s'engageait à réunir tous les ans les Cortés d'Aragon. Telles sont les principales dispositions de cet acte fameux qu'on a souvent comparé à la Grande Charte anglaise. Certes, la noblesse s'était fait une belle part. Le maintien de ses juridictions, le droit de quitter l'hommage dû au souverain, la faculté de ne pas servir hors du royaume ni au-delà de la mer, montrent assez qu'elle ne séparait point l'intérêt général de son intérêt particulier. Il importe peu que l'égoïsme ait dirigé la résistance. Les droits des sujets, en tant que justiciables et contribuables, étaient garantis. L'omnipotence royale limitée, l'intervention de la nation dans les affaires de l'État reconnue. Politique italienne de l'Aragon. Le rôle que Pierre III et Alphonse X voulurent jouer au dehors détourna leur attention de la politique intérieure et ne contribua pas médiocrement à grossir les éléments d'opposition. À peine les princes espagnols furent-ils délivrés du péril musulman qu'ils jetèrent les yeux hors de la péninsule. James avait donné l'exemple de ses préoccupations nouvelles. Il maria l'une de ses filles au petit-fils de Saint-Louis et partit en 1269 pour la croisade qui devait aboutir à la catastrophe de Tunis. Il retourna, il est vrai, d'aigle morte, découragé par les sombres présages qui effrayèrent la flotte catalane. Mais, quelques années après, il accourut encore au Concile de Lyon, 1274, où Grégoire X cherchait à unir tous les princes chrétiens dans une action commune contre les infidèles. Ne faut-il pas aussi attribuer à un calcul le mariage de son fils, l'infant Pierre, avec Constance, fille de Manfred? Cet acte porta tous ses fruits. D'abord, le triomphe de Charles d'Anjou avait paru ruiner les prétentions que Pierre III pouvait élever, du chef de sa femme, sur l'Italie méridionale. Les fautes du roi de Naples lui rendirent toutes ses chances. Quand la Sicile se souleva, c'est aux gendres de Manfred que s'adressèrent les révoltés. L'occupation de la Sicile eut des résultats considérables qui se produisirent chacun à son heure dans les siècles suivants. Elle donna aux habitants du bassin de l'Èbre ce champ d'expansion qui leur faisait défaut dans la péninsule. Elle prépara la conquête de Naples et des autres grandes îles de la Méditerranée. La marine catalane domina dans ce large bassin maritime qui s'étend entre les Baléares, la Corse, la Sardaigne et l'Afrique. De là, naquit aussi entre la France alliée de la maison angevine et l'Espagne cet esprit d'hostilité qui fit explosion plus tard lors des grandes guerres d'Italie. Prétention d'Alphonse X au Saint-Empire. La politique de Pierre III aboutit en somme à des résultats pratiques. Celle d'Alphonse lui coûta cher, sans qu'il lui en revînt rien qu'une influence imaginaire. Le mariage de Doña Béatrice, sa fille, avec Alphonse III de Portugal, avait été précédé de l'abandon de l'Algarve, celui de Léonore, sa sœur, avec Édouard, héritier présomptif de la couronne d'Angleterre, consacra le sacrifice des prétentions castillanes sur l'Aquitaine. Qu'était-ce pour Alphonse X que ses titres mal établis, au prix de ses droits à la couronne impériale? Le chef du Saint-Empire gardait, malgré sa faiblesse, une sorte de prééminence sur les autres souverains. Et rien n'était plus propre que cette grandeur, faite de souvenirs, à tenter l'ambition et la vanité d'un prince versé dans la connaissance de l'histoire, enivré par les rêves d'une imagination érudite. Fils de Béatrix de Souabe, parent d'empereur, il se voyait déjà empereur lui-même. Aussi mit-il en avant sa candidature quand les électeurs se réunirent pour donner un successeur à Guillaume de Hollande. Il eut 4 voix sur 7. Son compétiteur, Richard de Cornouailles, qui n'avait réuni que la minorité des suffrages, alla se faire sacrer à Aix-la-Chapelle. Alphonse X se contenta de se parer du 20 titres que certaines cités italiennes, comme Pise, s'étaient hâtées de lui décerner. Les papes ne voulurent jamais reconnaître ce singulier César, incapable de les défendre en Italie et de rétablir l'ordre en Allemagne. Jusqu'en 1274, il en fut réduit à des protestations platoniques. À ce moment, la conclusion de la paix avec l'émir de Grenade lui laissait la liberté de ses mouvements. Il crut le moment venu de faire valoir ses droits et de s'assurer l'appui de la papauté. Grégoire X, qui s'était empressé de confirmer l'élection de Rodolphe de Habsbourg, ne songeait pas à se déjuger. Il consentit pourtant, sur les vives instances de ce prétendant malheureux, à lui accorder une entrevue dans la ville de Beaucaire. Il ne songeait, il est vrai, qu'à le convaincre de l'inanité de ses espérances. Contre cette résolution aussi sage que ferme, l'éloquence et les promesses du Castillan furent sans force. Il essaya d'obtenir, au moins, que le pape s'intéressât au mariage de son petit-fils avec l'héritière de Navarre. Mais Philippe le Hardi n'était pas homme à se laisser enlever ce parti avantageux. La reine régente, Jeanne d'Artois, favorisait les espérances de la France. Il fallut revenir, les mains vides, en Castille, où le rappelait une insurrection dangereuse. Le pape se lassa même de sa persévérance à se qualifier de roi des Romains unis et lui imposa comme dernière humiliation l'abandon de ce titre pompeux et vide. Don Sanche et les enfants de la Cerda. Le roi de Castille ne manquait pas moins de franchise que d'habileté. Bien qu'il fût en paix avec l'émir de Grenade, il ne cessait de fomenter la révolte de ses vassaux. Pour en finir avec les rebelles, Mohamed II appela à son secours le chef d'une nouvelle dynastie africaine. Abou Youssouf débarqua à Tarifa et ravagea toute l'Andalousie, 1275. L'adélantade de la frontière, Nuno de Lara, l'attaqua près d'Essira et fut accablé. Quelques jours après, l'archevêque de Tolède éprouva le même sort. Pour comble d'infortune, l'héritier présomptif venait de mourir à Ciudad Real. 25 juillet 1275. Le roi était absent. La situation paraissait menaçante. Mais le second infant, Don Sanche, accourut à la frontière. Il avait déjà donné des preuves de courage. Il se monta très habile et très prompt dans l'organisation de la défense. De Cordoue, où il s'était établi, il ne cessa de harceler les envahisseurs, en même temps qu'il envoyait une flotte surveiller le détroit. L'armée africaine, refoulée dans les parages d'Algésiras, mal ravitaillée, souffrit de la famine. Abou Youssouf fut heureux d'obtenir une trêve de 2 ans. La mort de Fernand de la Cerda allait amener les plus graves complications intérieures. L'infant ne laissait des fils qui héritaient de ses droits à la couronne en vertu du droit de représentation, mais Sanche prétendait se substituer à son frère mort en vertu du droit d'immédiation. il avait gagné à son parti la plupart des ricos hombres et pris dans ses lettres le titre de fils aîné, successeur et héritier de ses royaumes. Alphonse avait de bonnes raisons de condamner l'ambition de Sanchez, car il s'était, dans les 7 parties, prononcé formellement en faveur du droit de représentation. Mais il fut toute sa vie le jouet des événements et des hommes. La popularité de son fils changea ses dispositions. Il réunit les Cortés à Ségovie et fit reconnaître Don Sanchez pour son successeur. Le droit d'immédiation l'emportait. Toujours extrême en tout, il ne craignit pas de faire un sacrifice sanglant à cette opinion nouvelle. Sa femme, la reine Violante, s'était réfugiée avec ses petits-fils à la cour du roi d'Aragon. Un frère du roi, Don Fadrique, avait favorisé sa fuite. Alphonse le fit étrangler sans autre forme de procès. Il aurait fallu des victoires contre les infidèles pour soutenir cette politique violente. Or, les armées castillanes n'éprouvaient plus que des échecs. Le siège d'Algésiras, entrepris avec les meilleures chances de succès, se termina par un désastre. 2 expéditions contre Grenade ne furent pas plus heureuses. C'est sous l'impression de ces défaites multipliées que le roi convoqua les Cortés à Séville, 1281, pour leur demander des subsides. Comme les représentants de la nation répudiaient à établir de nouveaux impôts, il leur proposa une émission de fausse monnaie. Le projet passa, mais ne fit qu'augmenter l'irritation des esprits. Les mécontents trouvèrent un chef dans le prince héritier. Le roi de France, Philippe le Hardi, avait pris parti pour ses neveux, les enfants de la Cerda. Désireux d'éviter un conflit, Alphonse offrit de donner à l'aîné de ses petits-fils le royaume de Jaén, sous la suzeraineté de la Castille. Cet arrangement fut soumis à la ratification des Cortés. Sanchez s'éleva contre toute concession. Le roi furieux menaça de le déshériter. « Le temps viendra, répondit l'enfant, où vous vous repentirez d'avoir dit cette parole. » Sous prétexte de préparer une expédition contre les morts, il se rendit à Cordoue et conclut avec l'émir de Grenade un traité d'alliance offensive et défensive. Les ricos hombres vinrent se ranger à ses côtés. Les villes se déclarèrent en sa faveur. Fort de toutes ses sympathies, il s'arrogea le droit de convoquer à Valladolid, 1282, les représentants de la nation. Là, l'infant, Don Manuel, au nom de la noblesse, prononça la déchéance d'Alphonse et l'avènement de son fils. Sanchez se contenta du titre de régent, qui lui attribuait, il est vrai, toutes les prérogatives royales. En réponse à cette provocation, Alphonse, dans une cérémonie théâtrale à Séville, déclara, à la face du peuple, qu'il déshéritait son fils et appela sur lui la malédiction divine. Le pape Martin IV lança l'anathème contre le fils révolté et contre ses adhérents. Sanchez brava l'interdit et l'excommunication et prononça la peine de mort contre les porteurs de la bulle pontificale. L'Espagne catholique offrit, dans la seconde moitié du siècle, le spectacle extraordinaire de 3 rois condamnés par Rome, réfractaires à son autorité et heureux dans leur résistance. En désespoir de cause, le roi de Castille n'eut d'autre ressource que de se jeter dans les bras de l'émir du Maroc. Le souverain musulman accueillit généreusement la requête du père outragé et passa en Espagne pour le secourir. Mais cette alliance ne produisit aucun résultat. Les chrétiens et les infidèles se défiaient trop les uns des autres pour agir de concert. Abou Youssouf finit par repasser la mer. La pitié servit mieux la cause d'Alphonse que les armées africaines. Don Sanchez, lui-même, répugnait à livrer bataille aux troupes royales et jurait à ses amis qu'il se tiendrait toujours à 5 lieues de l'endroit où se trouvait son père. Les enfants, qui avaient d'abord suivi leur frère dans sa rébellion, l'abandonnèrent et vinrent faire leur soumission au roi. Mais celui-ci n'était plus en état de profiter de ce retour de fortune. Épuisé par les chagrins plus encore que par l'âge, il mourut à Séville en avril 1284 et fut enterré à côté de saint Ferdinand. On ne sait s'il pardonna à son fils rebelle, mais il est certain qu'il le déshérita. Conformément à la loi des 7 parties, il désigna pour héritier les enfants de la Cerda. Au cas où il viendrait à disparaître, il appelait au trône, à l'exclusion de ses propres enfants, le roi de France, descendant d'Alphonse VIII. Il léguait à ses fils repentants, Don Juan et Don Jaime, les royaumes de Murcie et de Badajoz, sous la suzeraineté de la Castille. Il ne méritait pas d'être mieux obéi après sa mort qu'il ne l'avait été pendant sa vie. Ainsi s'ouvre la période des agitations intérieures, des conflits entre les grands, les villes et la royauté. La croisade est à peu près suspendue pendant 2 siècles. C'est un répit accordé au royaume musulman de Grenade. L'Espagne, sûre du triomphe définitif, va retourner contre elle-même l'énergie dont les ennemis de sa race et de sa foi avaient ressenti les terribles effets. Fin de la section 64.